Boca, en live de la zone locale. Tout bon angaï, nerfi, mon âme boca, spécialiste des bails sales. 9-2, j'habite à, c'est pour les types de Brazza et Kinshasa, ma capitale. J'ai roi, c'est pas comme Laurent Désiré Kabila. Faux, ramener la maille au village et construire des villas. Honorer la MIFA, la salir, mais t'es fou, gars. Les traîtres sur la route, Bangonioso, Bagoukouba. Masta Fungo, la Masanga, Mela Makaya. Fuck les boca, c'est Ndumba qui chasse, j'ai l'impila. Roi du taf au black et trafic de Mukanda. Percé en Dombolo, mêlé aux ambiances d'Uganda. On aime les bonnes, gros, gros, ma belle. On aime Bongo, on avance avec un esprit mappé. Attends, tu veux tester Zelana, c'est Kamouké. Les jaloux me font rire comme un bon DVD de ma bokeh. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Je bosse, bosse, je bosse pour nourrir la mif. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. J'ai la dalle d'un indigène, je m'assaille dans mes gènes. Depuis tout jeune, mes frères avancent avec des chaînes. Putain, originalement angolais, nourri au mât des sous. Ce qu'on fait le colon en Afrique, putain, ça m'a déçu. De Luanda, Banza, Congo, de Kinshasa, Matadi, maman, t'inquiète, on se bled, je vais pas m'attarder. Je ramasserai mon tué vif comme un pacha, ferme ta chatte. Sinon, je t'enchaîne à coup de machette. Les faces se succèdent, le tangaoui se coule dans mes veines. Je me suis promis qu'un jour je connaîtrai le succès. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je connais la galère pour remplir la jamène. Je me dois de blinder mon salaire. La chienne à nos parents l'ont tous goûté. La misère mais des coups de coude, putain, je suis dégoûté. Toyo qui passe, il rafale de ma sas. Si c'est ça, man, t'aimes pas mon rap, je te baise, niama. Et je bosse pour nourrir la mif. Je bosse, bosse, je bosse pour nourrir la mif. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Je bosse, bosse, je bosse pour nourrir la mif. En France pour le ronron, certains rêvent du loto. Bingo, j'ai la tête et la bite à Rocco si Freddy. Lâche la mif, reste cool quand tu parles des thunes. L'ami Kili, ils veulent tous nous voir enfermés. Serre-le leur dièse, donc Bomba c'est pélé. Les jaloux sont brusques de me voir en mode pépélé. Pépé calé, c'est ton devoir, les Ivoiriens. Coupé décalé sur mon set, j'espère vous caler. Oh, tu passes la vitesse, je chute à la scène, sale de pute, vas-y en caisse. Oh, pas de bif à claquer, car j'ai du jouet à baffer, négro reste au taquet. Moi na moi si, Kangama Soko, sinon ils sont un bayo. Vas-y, t'es là, Makambu, Makambu est l'équipe passée. Je viens d'Afrique, je bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. C'est toujours sur du bon son, cousin, que nous nous bataillons. Y'a du talent, si tu me crois pas, Nako Bédaillon. C'est en extase surtout, avec le son que je te mets. Donc cap l'étape, c'est d'arriver au sommet. J'avoue que ce thème, bien sûr qu'il est fatal. Les petits fadas, en provenance au droit de Kinshasa. Si, si, y'a des belles femmes chez nous, y'a plein de stars. Comme Kofi, Werrason et Papa Wemba. Je vais te lâcher quelques mots en Ingala. Juste pour prouver que Nazali Awa, si, si, équivala. Normal des gros malades, NEH, Bastille, Big Man, traînant sur le macadam. Chez nous y'a plein d'héros, mais pas beaucoup d'euros. Mais obligé de représenter le CONGO. T'es objectif si tu penses qu'on fait la tif, cousin. Sur 7, échantillon corrosif. Je viens d'Afrique, je bosse pour nourrir la mif. Je bosse, je bosse, je bosse pour nourrir la mif. Je viens d'Afrique, je bosse pour nourrir la mif. Je bosse, je bosse, je bosse pour nourrir la mif. Zahir, je suis d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Yo Kabiso, Africain en mission, tous les gars,